Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Bénin. Yeah! Yeah. Je suis là. Salut Bénin, comment tu vas? Ça va et toi, frérot? Comment tu te sens? Super, super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, c'est un plaisir, hein. Il n'y a rien à faire en ce moment. C'est sûr que là, on est un petit peu tranquille. Malheureusement, on est très, très, très, très, très libre. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Grave, j'hésitais pour une deuxième, mais j'en ai une qui était pas mal parce que je crois que c'est genre la galère qui a failli me faire arrêter stand-up. Ah oui, carrément. Ah, de ouf, parce que ouais, c'était. Je te raconte là? Oui, Genre bien maintenant? sûr, bien sûr. Vas-y, Y a pas vas-y. un top, y a pas un top ou quoi? Attention, t'es prêt? Top! Ouais. Ouais, bah en fait, c'était. Je crois, en fait, j'avais une scène avant à Bruxelles qui s'appelle La Boule Rouge, qui est faite avec le What the Fun, donc Rudy et Raphaël. Hein, on oublie toujours Raphaël, je sais pas pourquoi. Hein, et donc. Mais il paraît que c'est la même personne tous les deux, donc Ouais, je sais exactement. Il fusionne comme dans Dragon Ball, comme ça, avec les doigts et tout. pas. Donc, excusez. Du coup, il m'avait confié une scène qui s'appelait La Boule Rouge à l'époque, un beau cabaret où il y a des drag queens, etc. de base. Et puis, nous, on a apporté le stand-up dans cet environnement qui était super beau. Et moi, je fais la première scène avec eux. En tant que MC, donc je commence ma carrière de MC. MC, donc c'est celui qui organise la soirée, qui ramène les humoristes et qui présente les Oui, qui humoristes. présente. Voilà. Et souvent, on dit éviter de faire des blagues. Sauf que moi, dans ma tête, j'avais vu des gens faire des blagues sur scène en étant MC. Je me dis, bah, moi aussi, je peux en faire. Et donc, ma première soirée, elle se passe du tonnerre. C'est le feu. Je suis énergique et tout, etc. Et du coup, Raph et Rudy se disent, bah, oh, ça a été super ta première fois. Écoute, prochaine scène, on va te laisser solo, tu gères. OK. D'accord. Et donc, de la seconde scène, j'arrive et tout. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai pris trop la confiance. Tu sais, tu prends un peu le melon comme ça, tu te dis, tu es bon, MC, tu vois. Mais c'est toujours ça, même sans parler de MC, même quand tu montes sur scène, quand ta première scène se passe bien, ou des fois quand une Exact. scène au milieu se passe trop bien, la fois d'après, tu y vas tellement confiant que tu plantes. Exact, parce qu'on est comme ça, tu vois. On est des éponges à ego et notre ego, il gonfle comme ça, tu vois. Il y a plus cette rire, plus tu gonfles, toi. Et moi, je suis venu avec ma tête, elle était grosse comme ça, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, du coup, la première fois, j'avais préparé de ouf parce que j'étais stressé, tout ça, tout ça. Et j'avais aussi préparé, mais comme je préparais mes devoirs à l'école, quoi, tu vois. Ouais. En trichant vite fait sur la dernière fois. Et donc, D'accord, j'arrive. t'avais des vannes marquées sur la main, cachées dans la trousse et tout. Ouais, c'est ça, j'étais prêt, là. J'étais tatoué. Marcus Scofield qui se prépare à braquer la boule rouge, tu vois. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que simplement, je monte sur scène et je commence, mais je sens que la connexion au public, elle passe pas, première fois. Ah, ouais. C'est bizarre, la dernière fois, il m'aimait bien, c'est bizarre. Je lance l'humoriste et je vois le public, il pète de rire, il rigole de ouf, il rigole de ouf, il rigole de ouf. Ah, d'accord. L'humoriste, ça y est, il a chauffé le public pour moi, vas-y, c'est ce que je vais faire, je vais ramener, je vais faire un petit sketch au milieu. Tu vois, comme Hein? ça, ils vont kiffer et tout, etc. Et donc, j'ai avec mon sketch, mais à cette époque-là, c'est mon sketch, genre 3 minutes comme ça, où je sais qu'ils vont rigoler, tu vois. J'arrive, je lance mes blagues, eux, ils me lancent des bananes. Ils sont là en mode frérot, non, nous, on prend pas ça. Nous, on n'est pas d'accord. Tu Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire ils t'ont rejeté totalement. MC ou humoriste, toi, ils voulaient pas de toi, quoi. Exactement. En fait, et ça, le problème, c'est que, en fait, je suis MC. Donc, c'est-à-dire que. C'est la deuxième personne et je sens que le public, il est hostile à ma présence. Hostile. Oh là là C'est-à-dire qu'ils là ont là. dit, en fait, ce qui est passé, ah, mais je me rappelle. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait un gars dans le public qui parlait. Et donc, moi, j'ai dû l'interpeller et en fait le Ah. gronder, tu vois. Et Ouais, donc, tu l'as. C'est-à-dire t'as ça a un peu planté l'ambiance, quoi. ouais, c'est un peu comme je dis, hé, hey, ferme ta gueule. Et puis après, je fais, oh, maintenant, on fait des blagues. Et les gens, ils font, Ah. Et Ouais, donc, c'est ça le du coup. problème, c'est qu'il y a toujours une petite empathie, tu vois, dans la salle. Alors, ça dépend, c'était un exercice très, très périlleux. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un dans la salle qui met un peu le bazar, il faut savoir le remettre à sa place tout en gardant la sympathie du public. Et ça, c'est un Exact. exercice extrêmement périlleux, je ne te jugerai pas du tout là-dessus. Exactement, j'avais été trop méchant. Et donc, du coup, le public m'a jugé, je pense, sur ça, parce que je ne pouvais plus être la personne drôle, en fait. Tu vois? Mais Et ouais. donc, du coup, moi, j'étais traumatisé parce qu'en fait, je devais passer entre chaque humoriste. Et donc, je vais passer encore 5 fois dans la soirée, en sachant que eux, ils m'aiment pas du tout, tu vois? Donc, ça a fini en mode le suivant, c'est un ami à moi. Ouh, casse-toi! Et voilà, Là et du coup, là, voilà, c'est c'était une dur. soirée. Et je te jure que je suis rentré chez moi, j'étais avec ma copine et tout, je suis rentré chez moi. Et je parlais pratiquement pas sur le chemin. Personne ne me parlait. J'étais là. Et en fait, c'est que la troisième scène, je me sentais un peu comme si quand tu tombes à vélo, tu as peur de remonter sur le vélo, tu vois. Ouais, ouais. Franchement, j'avais presque pas envie. J'avais plus envie de jouer à un moment. Pendant genre quelques semaines, j'avais plus envie de jouer. J'avais peur du public. Ouais, je comprends. C'était devenu un combat, comme on dit, tu vois. Mais du coup, et du coup, comment ça s'est passé après quand tu y es retourné? Je suis toujours traumatisé en vrai. Franchement, je garde des cicatrices de ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je crois que à chaque fois, j'ai peur que le public, en fait, il m'aime pas. Tu vois? Après, disons que tu as réussi. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que tu as réussi à analyser ce qui n'allait pas. C'était ta gestion du public à ce moment-là, quand le mec a parlé et que tu as voulu le calmer. Donc, quelque part, c'est une erreur que tu ne referas pas. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal ou quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est que maintenant, c'est un truc que j'ai maintenant, c'est quand je monte sur scène, et je n'ai pas oublié de me dire ça, si je me dis ça, sinon c'est mort. Je dois toujours me dire, monte sur scène, amuse-toi avec eux, amusez-vous ensemble, vous aimez, etc. Et franchement, c'est très important dans le métier de passer un bon moment avec le public, en fait. Tu vois, c'est très important. C'est ça. Hein. Moi, je sais qu'au début, à chaque fois, j'entendais les gens qui me disaient « prends du plaisir sur scène, prends du plaisir ». J'arrivais pas trop à comprendre. Et en fait, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que clairement, si toi, tu t'amuses, le public s'amuse. Exactement, exactement. C'est presque une formule magique, on dirait. C'est incroyable, c'est vrai. Hein, c'est incroyable. Alors que si toi, tu stresses, le public, il sent ton stress et tu les stresses. Et tout le monde stresse. Et là, ça devient une soirée bizarre. Bah, je peux témoigner, en tout cas c'est une belle anecdote, moi je peux témoigner par rapport à toi, je veux dire la dernière fois, bah, quand on s'est rencontrés, en fait on s'est vu au What the Fun justement, on était à Scarbeck, à Los Amual, et franchement ça s'était très bien passé, le public avait bien accroché à ton style et tout, moi j'avais trouvé ça cool, et puis tu vois c'est pour ça que c'est un petit peu spécial pour moi de faire ce podcast avec toi aujourd'hui, parce que tu sais, tu représentes un petit peu avec les collègues qui étaient là ce soir, donc il y avait Dena, il y avait Florent Lawson, Gaëtan Delphine, Ferrière, Serena Yari, voilà, il y avait Kostia aussi. Vous représentez un petit peu, tu vois, genre mes derniers compagnons de scène, parce que depuis, on n'a pas pu remonter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui nous lie, tu sais. On a pu kiffer une dernière fois ensemble. Ma dernière scène, c'était même pas en France, c'était en Belgique, quoi. Et c'est pas grave, parce que j'aime la Belgique, tu vois, mais vraiment, quelque part, j'ai envie de vous regarder, tu sais. J'ai envie de vous regarder, de vous faire. Ça va, c'est pas trop dur, vous tenez le coup et tout. Mais là, c'est tellement dur, j'ai tellement envie de remonter sur scène. Toi, ça va, comment tu gères le manque alors? Mais tu sais, je m'en souviens, je m'en rappelle parce qu'en fait, à ce moment-là, on filmait tous la scène, on faisait des selfies. Je me souviens, Serine, elle faisait un selfie, elle fait ben avion, on fait un selfie en mettant comme marque en dessous. C'est peut-être notre dernière, on ne sait pas. Et finalement, c'était vraiment la dernière, tu vois. C'était la dernière. C'était ça, c'était la dernière. Mais quand même, je trouve que c'était une belle dernière. Ouais, c'était cool. Franchement, c'est un chouette public, il y avait beaucoup d'amour et tout, c'était important. Et c'est ça qui est important, tu vois. Et comment est-ce que je le vis aujourd'hui? Bah, moi, je suis étudiant aussi un peu. Donc, quelque part, ça a fait du bien scolairement. Ouais. J'ai des meilleurs points, bizarrement. Mes parents sont contents. Et après, en tant qu'humoriste et tout, franchement, j'ai eu une période de quelques semaines où, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de me distancer avec l'humour, tu vois. D'accord. Où je me disais, bah, c'est quoi, travaille sur toi. Et c'est la première fois que ça m'arrivait et ça m'a fait du bien parce qu'aujourd'hui, je pense que je reviens avec des idées aussi un peu plus nouvelles, dans la continuité de ce que je faisais, hein, mais nouvelles. Mm-hmm. Et j'aurais jamais imaginé couper un petit peu avec l'humour à un moment, mais voilà, ça m'a fait du bien. Mais là, j'ai hâte de reprendre, en fait. Là, j'arrive pas de repenser depuis quelques 2-3 semaines à la fois où on va pouvoir refouler tous ensemble ces scènes, quoi. Ça va être magnifique. C'est clair. Je vais lécher le micro, je vais lécher le plancher, ça va être incroyable, hein, franchement. Alors, par rapport au Covid, je ne te conseille pas trop de lécher les micros et d'autres trucs. Mais j'avoue que je te jure, je perds patience presque. Vraiment, je me dis, punaise, mais quand est-ce qu'on va pouvoir remonter sur scène et tout? Les gens me manquent et je ne me suis pas rendu... Enfin, on a toujours dit, tu sais, je veux dire, même avant le Covid, on savait tous que c'était une drogue, la scène, tu vois. Mais là, c'était à l'époque, on se disait, c'est une drogue, mais une drogue qu'on pouvait prendre toutes les semaines, même tous les jours pour certains, tu vois. Alors que là, on sait que c'est une drogue et on n'a plus notre fournisseur, tu vois, on n'a plus notre dose. Et là, c'est vraiment, vraiment dur. Mais là, on ressemble à des toxicos. Hein. On est en manque de rythme, là, en ce moment, tu vois. Mais c'est clair, on est des toxicos. Moi, je commence vraiment à craquer, là, tu vois. Tellement la cam de l'humour, elle est bonne. On est en manque de rire. Il y a plein d'humoristes en ce moment. Tu regardes tous les humoristes en ce moment, ils sont youtubeurs. On est tous devenus youtubeurs. Tu vois. Hey, salut. C'est clair. Tu vois, c'est incroyable. C'est clair. Non, mais c'est exactement ça. En fait, on est obligé de se recycler. On est Ouais. obligé de se recycler pour s'en sortir parce que clairement, c'est pas facile en ce moment et tout. La scène nous manque. Moi, j'en ai vu. J'ai des amis carrément qui sont partis faire un truc dans la gare de Bordeaux, tu vois. Moi, je C'est suis à pas Bordeaux vrai. et je te jure, dans la gare de Bordeaux, ils ont fait un petit comedy club, quoi. Enfin, après, c'était genre pour la déconne, tu vois. Ils ont fait Ouais. ça et tout. Ils ont été suivis par une radio locale, tout ça. Donc, c'était super intéressant. Et moi, clairement, ça m'a, enfin, tu vois, je veux dire, ça m'a rappelé à quel point ça nous manque et tout, tu vois. Mais bon, il faut qu'on tienne le coup. Et puis voilà. En tout cas, bah, c'est quand même une bonne nouvelle au final que toi, je veux dire, ça t'a aidé dans Ouais. ta scolarité. Tu me dis que tes parents sont contents. Est-ce que tu penses que ce sont tes parents qui ont écrit genre aux différents gouvernements pour arrêter la scène? Moi, je te dis, c'est mes parents qui ont distribué le Covid. S'il y a une troisième vague, c'est à cause de mes parents, sachez-le. Sachez-le. D'accord. Bah écoute, Ça les vraiment, avantage. bah, on salue tes parents. Et si c'est eux qui l'ont fait apparaître, s'ils peuvent le faire disparaître, moi je suis pour. C'est bon. C'est quoi? Hey, s'il faut te sacrifier, on te sacrifiera. Tu ne Hein, retourneras pas carrément. sur scène. Je ne vaux donc rien, ma vie vaut donc rien pour vous. Incroyable. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais je te jure, la scène nous manque trop. Mais Non, toi, mais ça écoute. va. Ouais, Léger, bah ça va. écoute-moi. Non, ça va, Dieu merci si tu veux, avec la famille. Quand tu as une famille autour de toi, c'est sûr que c'est pas la même chose. Moi, j'ai mon boulot, moi je suis chauffeur de bus, tu vois. Donc j'ai mon boulot à côté, j'ai ma famille et tout. Donc vraiment, c'est pas comme si j'étais bloqué entre quatre murs à ne rien pouvoir faire. Ouais, non, non, clairement, ce serait beaucoup plus dur. Non, là, si tu veux, j'ai tellement de choses auxquelles penser en temps normal que là, je veux dire, on va dire, il n'y a que la scène qui s'est enlevée de ça. Tout le reste, si tu veux, j'avais déjà de l'occupation pour toute ma journée. Normal quoi, tu vois, quand t'as trois, tu vois, j'ai trois enfants, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Voilà, la scène, c'était un plaisir à côté, mais bon, maintenant, voilà quoi, je veux dire, mes journées sont quand même pleines avec le boulot, avec plein de trucs, c'est pas grave. Mais justement, je pense que vu que j'ai tout ça et que j'ai plus la scène, j'ai besoin de la scène pour justement décompresser, tu vois. Est-ce que tu as des symptômes, genre, vu que tu n'as pas la scène et tout, tu essaies de faire rire plus ta femme ou tes enfants et tout, tu es là en train de faire des blagues et tout, ou pas du Ah, tout? c'est une question intéressante. Bah, très honnêtement, je pense qu'en fait, moi, j'ai toujours été comme ça avec eux, justement. Donc, je pense que non, par rapport à eux, non. Par contre, et c'est pour ça que je t'ai dit, ta question est intéressante, dans le bus, dans le bus, je te jure que quand j'ai des clients qui viennent me parler, bon, tu sais, j'ai toujours eu l'habitude de déconner un peu avec eux et tout. Mais là, l'autre jour, il y a un client, je l'ai enchaîné de vannes. Je lui ai pas fait genre, ouais, je sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est pas ça. Mais tu vois, on parlait et tout, et je trouvais des vannes, j'improvisais. Et quand je le voyais rire, je disais, oh punaise, si tu savais comme ça me fait du bien. Est-ce que quand le gars est sorti du bus, tu as dit ouais, il faut mettre dans le chapeau maintenant ou pas? Écoute, j'ai pas osé. Je cache pas, j'ai pas osé. Bon, Non, en tout cas, bah merci beaucoup. Tu avais une autre anecdote, tu m'as dit, je crois. je crois que c'était une scène où je testais une blague, tu vois, avec le What the Fun toujours, au Black Sheep et tout. Et je fais un sketch et tout, où je dis que, en fait, moi, quand je suis à l'étranger, pour pécho, comme les gens, ils connaissent pas, enfin, ils sont pas très. C'est pas très. Niveau marketing, dire je suis belge, c'est pas très vendeur, tu vois. Donc, moi, ça m'arrivait que quand je suis à l'étranger et tout, je dis ouais, quand je suis à l'étranger, moi, je dis que je suis français, tu vois. Sauf que moi, j'ai dit ça en Belgique, tu vois. Et donc, il y a tout le public qui a commencé à me huer en mode ouh, Espèce de traître. tu vois. Et puis, voilà, je me suis fait huer et ça, c'était cool. Mais en fait, c'était bizarre parce que c'est la première fois que sur scène, on me huait, tu sais. D'habitude, t'attends le rire, tu vois. J'attendais vraiment un Ouais, truc, t'es en mode, c'est drôle ce truc, tu vois. Je change ouais. d'identité quand j'ai envie de pécho. Je suis une autre nationalité, tu vois. Je viens d'ailleurs, tu vois. Et ils m'ont pas suivi. Ils n'ont pas aimé non plus. Ils n'ont pas aimé. Non, parce que non, alors si tu faisais ça en France, tu vois, si tu jouais ça au Spotlight par exemple, je pense que ça passerait beaucoup plus. Alors que là, tu es juste en train de leur dire je vous Me désavoue. travaille ça, c'est ça. En fait, c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça le problème au final. Je pense qu'en vérité, je suis pas un sénateur belge, je suis un sénateur français. Et c'est ça la réalité. C'est ça la Eh bien, réalité. écoute, merci beaucoup en tout cas. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux, c'est comme le pays. Donc, c'est simple, hein, c'est simple. Comme le pays, vous écrivez vraiment, pas comme le pays Bénin, mais vous écrivez Commelepaysy barre en bas, comme le pays. Oui, Voilà. underscore, ouais. Okay, comme le pays, underscore, pas de souci. Pour ma part, vous me retrouvez sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Voilà, donc Sofiane Etaï, E de TAI. Bisous à tous, même à toi là-bas.